Ici Fred d'Audiocité.net. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Bienvenue au podcast des productions audio des éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Avant tout, merci à Fred pour le petit mot d'introduction. Fred est le grand Manitou derrière Audiocité.net, l'initiateur du site et le talentueux webmestre. Si vous ne connaissez pas encore, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Pour notre troisième émission, nous poursuivons l'aventure de Carl Inouye avec la troisième partie. La semaine dernière, nous avons laissé Carl chez Chara après que cette dernière l'eût sauvé in extremis des attaques d'un grognon. Le garçon se demandait pourquoi un généticien avait kidnappé des bébés et niches. Retrouvons donc Carl, Chara et un nouvel arrivant pour la troisième partie de Carl Inouye, Complot sur Alpa. Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouye, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Chapitre 7, Enfin une piste. Je te présente mon père, Maureen. Papa, voici Carl Terob. Le fils de Chris ? En chair et en os. Grâce à votre fille, monsieur, je tiens toujours debout avec tous mes morceaux. Appelle-moi Mo, comme tout le monde. Chara, qu'as-tu encore inventé ? Elle m'a sauvé d'un grognon. Un grognon ? Oh, ce n'était qu'un tout petit grognon. Tu parles. Dis-moi, Carl. Pourquoi t'inquiètes-tu des motivations des généticiens et des enlèvements de Hainich ? Mon Hainich a été enlevé et nous venons de voir un reportage sur le réseau, monsieur. Mo. Un généticien est mort dans une altercation avec la sécurité. Il s'apprêtait à fuir la planète avec un bébé Hainich. Ah. Non, pas Ulia. La première victime, Razor. Tout ça ne m'étonne pas. Les trois raptes de Hainich constituent une suite logique au désir séculaire des autres habitants de l'Alliance de posséder des Hainich. En quoi ? Voici. Dès les premiers jours de la colonisation d'Alpa, ou presque, le phénomène des adoptions a fait des envieux. Certains notables d'autres planètes sont même allés jusqu'à payer chèrement des braconniers pour capturer et leur ramener des Hainich. Ceux-ci, habitués aux relations amicales, entretenus avec les Alpans, ne se sont jamais méfiés. C'est scandaleux! En effet. Et qu'arrive-t-il aux Hainich lorsqu'ils sont sur d'autres planètes? On ne peut pas commander une adoption. En fait, les braconniers et leurs commanditaires n'ont jamais rencontré ce problème. Comment est-ce possible ? L'Enich ne s'éveille jamais du sommeil artificiel dans lequel on les plonge pour le voyage. Tu veux dire ? Oui. Il meurt. Non ! Si, malheureusement. Voyez-vous, les Enich sécrètent une hormone essentielle à leur survie. Apparemment, la glande qui sécrète cette hormone cesse de fonctionner lorsque les Enich quittent Alpa. On ne sait pas pourquoi. C'est horrible ! Notre gouvernement a beau se vanter d'avoir signé des ententes avec toutes les planètes membres de l'Alliance pour que cessent ces raptes. Je reste sceptique. Peut-être, je dis bien peut-être, les braconniers étrangers ont-ils été éliminés, mais je suis persuadé que des braconniers locaux ont pris leur place. Pas des Alpins ? Oui. Ce n'est pas possible ! Que faites-vous de tous ces jaloux, du lien qu'entretiennent les adoptés avec les Enich ? Ne croyez-vous pas qu'ils puissent être tentés par les sommes mirobolantes qu'on fit miroiter sous leurs yeux pour de simples raids auprès des communautés de Enich sauvages ? Pas des Alpins ! Des Alpins ! Vous semblez bien sûr de vous. Il est notoire que les étrangers n'ont pas renoncé à leur désir de posséder des Enich. Ils ont investi des sommes prodigieuses dans des laboratoires clandestins, sur Alpa même. C'est incroyable ! Dans les hautes sphères administratives, ça ne fait plus de doute, tu sais. Mais pourquoi ces chercheurs sont-ils encore en liberté ? Pour les arrêter, il faudrait d'abord les trouver, Karl. Mais, vois-tu, personne n'y est arrivé. Pas même la sécurité. Avec ces paysages en dents de scie, Alpa, comme tu le sais, regorge de cachets. Et la faible densité de la population n'aide pas non plus. Quel est le but des recherches clandestines ? Reproduire l'hormone vitale dont je vous ai parlé tout à l'heure, afin que les Enich puissent vivre ailleurs que sur Alpa. Jusqu'ici toutefois, rien ne laisse croire que ces recherches ont été fructueuses. Voilà peut-être pourquoi les ravisseurs ont changé de tactique. Ils ont changé de tactique ? J'ai parlé avec plusieurs spécialistes ces derniers jours. Tous croient qu'on a interrompu les tentatives visant à reproduire l'hormone vitale. Les généticiens se consacrent désormais à l'étude du lien télépathique entre les humains et les Enich. S'ils arrivent à isoler le gène responsable de ce lien, ils pourront éventuellement altérer l'ADN d'autres espèces animales en vue de les doter de la faculté unique des Enich. Mais ils n'en sont pas encore là. C'est pour ça qu'ils ont enlevé des bébés Enich déjà liés à des humains ? Oui, pour étudier le développement du lien télépathique. Celui-ci devient de plus en plus fort avec le temps et, pour comprendre son évolution, ils doivent observer de très jeunes Enich qui viennent tout juste d'adopter un humain. Ils espèrent ainsi trouver plus facilement le gène responsable de la communication entre humains et Enich. Lian n'avait que 4 jours quand les ravisseurs l'ont enlevé. Nos vies aussi. Ça s'est passé comment ? Ils se sont introduits chez ma tante, de nuit. Si la mère d'Ulia n'avait pas hurlé au dernier moment, le rapt serait passé inaperçu. Mon oncle a bien tenté de poursuivre les ravisseurs, mais ceux-ci avaient choisi une nuit de tempête pour faire leur coup. Et mon oncle, aveuglé par les rafales et la poudrerie, a vite perdu leurs traces. Bon, vous avez fini de manger tous les deux ? Alors, que dirais-tu, Chara ? Si nous montrions mon atelier à Karl. Oh oui ! Tu verras, Karl, l'atelier de mon père est sensationnel. C'est un véritable génie en son domaine, mon père. Toutes ses inventions... N'en rajoute pas trop, ma belle. Il risque d'être déçu. Pas de danger. Plus tard, chez les Térobes. Oh, Karl, te voilà enfin. Viens dans mes bras. Maman, je vais bien. Laisse-moi te regarder. Oui, tu ne sembles pas trop amoché. Dans les circonstances. Et ta cheville ? Elle va bien. Je t'assure. Mais dégageons l'entrée du sas. Chara et son père sont derrière moi. Oh mes aïeux, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? Comme si tu m'en avais laissé la chance. Maman, je te présente Chara Rin, qui m'a sauvé d'un bien mauvais pas, et son père, Mo. Chara, Mo, voici ma mère, Clara. Merci. Merci à tous les deux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si... Je n'y suis pour rien. Tout le crédit revient à Chara. Oh, papa. C'est bien vrai. Karl. Quoi? Ah, voici Xena. Xena, je te présente Chara et Mo. Chara, Mo, voici Xena, la maman de nos vies. Oh, Xena, tu n'as plus de pansement? Tu es guérie? Laisse-moi voir. Plus de plaies? Pas même de cicatrices? Juste une petite rougeur. Quand je te disais à quel point j'étais sans cesse étonnée par la capacité de récupération des Hainich. Tu avais raison. C'est stupéfiant. Mais ne restons pas là. Passons au séjour. Vous prendrez bien une boisson chaude. Volontiers. Mais une seule. Il est déjà tard. Trop tard, même. N'est-ce pas, fillette? Papa! En passant, Chara, Xena dit que Ulia va bien et qu'elle est avec Novi. Vraiment? Vraiment. Merci, merci, merci, Xena. Le lendemain matin... Tu es confiné à ta chambre, Karl Terob, et ce, jusqu'à ce que ta cheville soit remise. C'est bien compris? Oui, maman. Au repos forcé. Heureusement, ça ne m'empêche pas de réfléchir. Quel était le nom du généticien qui a voulu quitter Alpa avec un bébé Hainich? Raymoon? Denoun? Non. Une recherche sur le réseau devrait m'aider. Voyons un peu. Prof? Oui, Karl? Liste-moi tous les généticiens travaillant sur Alpa. Voilà. Stop! C'est lui, j'en suis sûre. Nessun! Que sait-on sur Nessun? Fils de Shan Sun et de Korla Ling, Nessun est arrivé sur Alpa à l'âge de 3 ans. La famille venait d'une planète de l'Alliance nommée Fushun. On a des détails sur cette planète? Fushun est la dernière planète à s'être jointe à l'Alliance, en 2352, après une attaque des Gris. Deux courants distincts animent Fushun... Non, arrête. C'est bien intéressant tout ça, mais parle-moi plutôt de Nessun et de ses acolytes s'il en a. Sur Alpa, le professeur Nessun travaillait au Jolet. Le Jolet? Il s'agit d'un complexe de recherche situé sur le plateau de Riner, dans la chaîne du Péril. À plus de 300 kilomètres d'ici, donc. Ce n'est pas la porte à côté. Tiens, j'y songe. Puisque Nessun travaillait au Jolet, n'est-il pas plausible qu'il ait caché Novi et Ulia au Jolet? Il faut vérifier. Aïe, j'oubliais. Le glisseur familial est hors service. Chara! Chara ne refusera sûrement pas de m'aider à retrouver nos bébés Hainich. Karl! Chara? Justement, j'allais t'appeler. J'ai découvert une piste. Nessun travaillait au Jolet. Je sais. Tu le sais? Imagine-toi que j'ai aussi accès au réseau. Mais... Tu viendrais avec moi au plateau de Riner? J'allais t'inviter. Je passe te prendre. Génial! Maintenant... Il s'agit de convaincre ma mère qu'une balade de glisseur avec Chara ne peut me faire de mal. Après l'accident, ça risque de demander une certaine virtuosité. Chapitre 8. Au Jolet. Oui? C'est moi, je suis là. Je viens de me poser devant chez toi. Tu viens? J'arrive. Chara a fait vite. Avec tout ça, je n'ai pas demandé la permission de sortir à maman. Avec un peu de chance, elle travaille dans son laboratoire et le problème ne se posera pas. En entr'ouvrant la porte, je verrai si le champ est libre ou si je dois rapidement inventer des arguments très convaincants. Tout est calme, personne en vue, pas un son. Parfait. Doucement maintenant, afin de ne pas réveiller Xena. Ice? Mais où est-elle passée? J'étais certain qu'elle dormait sur son édredon. Peut-être a-t-elle accompagné maman au labo? Tant mieux. Moins ai-je d'explications à donner, mieux je me porte. Vite, je passe dans le sas. Sauvée! Je n'ai plus qu'à revêtir mes vêtements d'extérieur et à rejoindre Chara. Ma cheville est trop enflée pour entrer dans ma botte thermique. En l'enveloppant dans deux feuilles d'isolex, mon pied n'aura probablement pas très chaud, mais ça devrait être suffisant pour qu'il ne gèle pas. D'autant que je ne serai pas longtemps dehors. Juste le temps de me rendre au glisseur de Chara. Je suis prêt. Oh oh! Je suis éblouie par les rayons de Hattusa qui frappent sur la neige, mais je reconnaîtrai ce gémissement n'importe où. Xena! Mes yeux s'habituent à la luminosité ambiante. Eh oui, c'est bien Xena. Et elle est directement sur mon chemin, me coupant l'accès au glisseur de Chara. Xena, ma belle, s'il te plaît, n'avertis pas maman. Je pars à la recherche de Novi. Tu comprends, n'est-ce pas? On les fait pour Novi, Xena. Pour Novi et Ulia. La voilà qui se dirige vers moi. Adieu l'expédition de sauvetage. Elle va me ramener tout droit dans ma chambre. Elle s'accroupit, m'invitant à monter sur son dos. Je n'ai pas trop le choix. Même avec mes deux jambes, je ne parviendrai pas à la distancer. Aussi bien monter. Mais que fait-elle? Elle se dirige vers le glisseur de Chara? Prends ma main, Carl, que je t'aide à monter à bord. Et voilà! Merci, Xena. Merci, merci, merci. Je savais que tu comprendrais. Merci, Xena. Pour nos vies, Eulia. Mais pourquoi reste-t-elle là? Elle veut monter à bord. Mais non, ma belle, tu ne peux pas monter. Il n'y a pas de place pour toi. Le glisseur de Chara est trop petit. Elle insiste. Laisse-la monter. Peut-être qu'en dégageant l'arrière et en avançant nos sièges au maximum. Même avec les sièges avancés, elle ne rentrera jamais. Regarde-la se dandiner, se tortiller. Je n'arrive pas à y croire. Elle y est presque. Elle a réussi. Arrête, tu me chatouilles. Que fait-elle? Elle a posé sa grosse tête sur le dossier de mon siège et elle me souffle dans l'oreille. Nous sommes partis! Au gelée! Nous y sommes. La chaîne du péril. T'as vu tous ces pics escarpés? On dirait une rangée de canines effilées. Et là, sur l'écran, regarde. Le haut plateau de Riner? Le haut plateau de Riner, en effet. Quel est ce drôle de motif à la surface? Des triangles joints les uns aux autres? Attends, je m'approche encore. C'est le complexe du Jolet? En effet. On ne peut se tromper. Le plan que nous avons récupéré sur le réseau est conforme à ce que nous apercevons. Et si je ne m'abuse, il doit y avoir un stationnement couvert juste ici. Waouh, tu as une bonne mémoire. Merci. Ah, voilà une place libre. Posons-nous. Un glisseur parmi d'autres glisseurs? Nous passerons inaperçus. Rappelle-moi encore pourquoi je ne peux pas t'accompagner. Nous en avons déjà discuté, Carl. Je vais devoir faire vite si je veux retrouver Noéniche, ou du moins une piste qui nous mènera à eux. Justement, je pourrais t'aider. C'est grand, le Jolet. À deux, ça prendrait deux fois moins de temps. Avec ta cheville, comment ferais-tu pour t'enfuir si tu étais surpris? Je ne peux quand même pas rester derrière alors que tu voles au secours de nos vies. Tu préfères risquer de compromettre l'opération en sautillant partout à travers le Jolet? Allons, ne fais pas cette tête. Tu restes en renfort avec Xena. Si j'ai un pépin, tu accours à mon secours. Avec ma cheville. Bébé. C'est bon, je reste derrière en renfort. Mais comment saurais-je si tu as besoin d'aide? Attends, je vais te montrer. Une lampe de poche? Ce n'est pas une vulgaire lampe de poche. C'est une cam-lampe. Une invention de mon père. Tu vois le cercle sombre autour de l'ampoule? C'est l'objectif d'une caméra. Génial! Et ce petit point devant l'interrupteur, c'est un microphone. Dans le manche se trouve un amplificateur de signal. Grâce à une antenne camouflée dans la ganse, la cam-lampe transmet image au son au récepteur du glisseur. J'ai réglé le vidéocom du glisseur sur la bonne fréquence. Elle est rarement utilisée. Ce serait vraiment un coup de malchance si elle devait être interceptée. Tu apportes un localisateur ? Entre autres choses. Et voilà, je suis prête. À plus tard. Chara ? Oui ? Sois prudente. Promis. Elle est partie. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Et voilà pour la troisième partie. Chara découvrira-t-elle la piste des bébés et niches au Jolet ? Ou se jette-t-elle tout droit dans la gueule du grognon? C'est ce que nous saurons la semaine prochaine. Les interprètes pour cette troisième partie, Ezoa dans le rôle de Carl, Florence dans le rôle de Chara, Aldor dans le rôle de Mo, le père de Chara, Joanne dans le rôle de Clara, la mère de Carl, Bernard dans le rôle du prof informatique, et moi-même, Christian Martin, à la narration. Permettez-moi de vous parler maintenant un peu plus de notre blog. Chaque semaine, parallèlement à ce podcast, nous postons une nouveauté audio sur notre blog que vous retrouverez à l'aveniraudio.canalblog.com. Depuis un moment déjà, nous publions notre version audio d'une aventure de Rouletabille, Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Il s'agit d'un classique de l'aventure policière. Cette production de Rouletabille est ce que j'appelle une mini-production. C'est-à-dire une production avec une distribution réduite, 5 interprètes, et un minimum d'effets sonores. Puis, à tous les 5 chapitres, nous prenons une pause de Rouletabille pour une semaine et diffusons autre chose, une nouvelle ou un petit audiodrama avec distribution complète, effets sonores et musique. Cette semaine, justement, nous sommes dans une de ces semaines pauses. La mise en ligne pour le blog ayant lieu le jeudi, vous devriez avoir vu notre nouveauté hier dans la journée pour nos auditeurs en Amérique et en soirée pour nos auditeurs d'Europe. Également sur le blog, vous trouverez régulièrement les nouveautés des deux sites principaux qui font dans l'audiobook gratuit en français et j'ai nommé audiocité.net et littératureaudio.com. On vous informe aussi sporadiquement de ce qui sort chez divers autres sites et blogs qui s'adonnent à la même activité. Par ailleurs, nous ne manquons pas de nous intéresser à ce qui se fait en français, en audiodrama ou saga MP3. À ce sujet, je vous invite à consulter le forum de Netophonics à forum.netophonics.sagalist.php. Bref, allez consulter notre blog pour vous mettre des histoires plein les oreilles, trouver de bonnes adresses, vous tenir informé de ce qui se fait en livres audio et audiodrama gratuits et légaux, et découvrir quelques surprises. Je rappelle encore l'adresse, l'avenirsaudio.canalblog.com. Voilà qui complète notre émission de ce vendredi 11 décembre. Je rappelle que l'histoire « Carl et Novi, complot sur Alpa » et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2009 des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.